Salut, c'est le Michou. À bientôt, dans quelques années. Livre d'or. Enregistreur. Salut Alexis. En direct de Saorge et jusque dans l'espace. Squit, squit. On affûte les couteaux. Fabrication de fifres à Saorge, à l'apéro. Yabo de bear. Tu pantai et viva viva Santa Caperina. On s'assoit dans la rivière et après on fait Kuragnagna. Kuragnagna. Tout ce qui te passe par la tête, tu le dis dedans. Vas-y. I can give you what you want. Boudoudoudoudoudoudoudoudou. J'ai un petit seul, je vais aller voir Tima Asma et je vais aller voir mes copines. D'accord? Non, enfin, faut rester. Non, sinon, c'est toi qui parles, Zappi. Oh, Santa, Santa, oh, Santa Capelina. Viva le cue canta la mounine. Tu sais ce que l'était et moi, d'accord, à tout à l'heure. Et par jour quoi j'étais. Eh ben alors à essayer. Ben je m'en vois, je m'appelle Wadeloué. On peut l'enlever? Non, non, non, faut pas. Alors, oui, parle. Non, si tu veux. Tu sais, moi, c'était... Et par exemple, je m'appelle Wadeloué. Et alors, au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ben, je vais partir à tout à l'heure, au revoir, et ben, après, je vais revenir aussi que aider, il était très formidable, et il a l'air, et en plus, après, on a fait très formidable la fête. Et après, on avait les deux la vélo, les... Puis, la canne, le déna. Donc c'est des tatas. À qui? Non. Parle. Elle n'a pas peur des moulins, c'est qu'à Nice il y en a plein. Elle n'a pas peur des moulins, c'est qu'à Nice il y en a plein. On y quitte la canelle, tous les nœuds dans les canelles. Et de l'autre soleil, attends, c'est un capapine de la mouline. C'est que sentait ça. Pantai, Pantai. Tu me dis pas. Mais je te dis. Pantai. T'aimes pas les... Ah non, bon, j'appuie. C'est allumé là? Ah, quand t'appuies. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantai. Pantaille. Pantaille. Pantaille. Pantaille. Pantaille. Pantaille. Roger, on t'aime, Roger. Donne ton pays, père Santa Caterina. Santa Caterina, piata e bia se va teleo, se tu n'avais pas de capel, piata e bia se va teleo. Bla bla bla. Le pantai, fleur. Pantai. C'est tout. Pantai. Un orifice, un déclencheur. Pantai! Quoi? Non, si. Quand on est où? La pointe, la pointe, si je reste crochet. Comme ça, crochet. Ah, ah, ah, ah. La bouche pleine sans cracher dedans quoi. C'est beau, c'est beau. Allez croco, allez crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croco, allez crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. C'est le seul de lait. Ça marche pas. Ça marche pas. Oh. D'accord. Moi, je suis dans le bateau. Tu sais, c'était le seul de l'honorat. Bah, c'est bon. Tu veux parler? Bah. Allô, allô, allô, vous m'entendez? Allô, allô, allô, vous m'entendez? Oui. Rien à déclarer. Ouais, c'est ce qu'il faut. J'espère qu'il y aura du monde alors. Oh, là-bas, il y a des balles. On a tout prévu, nous. Voilà, tu vois, il est organisé, tu viens d'acheter. Encore ? Mais si ils sont pas là, je peux pas venir. Excusez-moi. Santa Capelina. C'est à la boîte. Non, c'est à moi. C'est pas grave. Je dis ça aussi. Quoi? Aïe. Ah oui, aïe. Ça revient. Voilà mon ballon. Madame et monsieur, écoutez ce monsieur. veut dire que hier, si on avait enregistré avec l'enregistreur ne serait-ce qu'un quart d'heure de ce moment d'anthologie, de ces deux ou trois heures d'anthologie, de pantaille et d'impro dans la caravane de Ricardo, on serait Grammy Awards aujourd'hui, monsieur. Grammy Awards du pantaille. Et bien sûr, tout ça est parti dans l'éphémère. Fais pas cette tête, Sana. Ouais, mais j'ai déjà fait. Et un peu de paprika. Depuis hier, je me demande si ça marche. Je crois que c'est pas un vrai magnétophone. J'aime la logique qui nous surprend par derrière. J'aime l'anal logique. Et voilà, la Santa quitte la Roya. Oh Santa, Santa, Santa Capelina. En direct avec Lulu de Quaraz. Oh, mais elle est encore là, cette boîte infernale. Et ce soir, la Santa Capelina arrive, demain on va la noyer. Donc, la morale de cette histoire, finalement. Il n'y a pas vraiment de morale. Je pense que la morale, c'est qu'il faut inventer sa propre tradition. Je pense aussi, oui. C'est très simple. Faut mettre un peu de rituel dans nos vies. Invente ta tradition et crée ton rituel. C'est ça la survie. C'est voilà. Ça. Ça t'économisera pas mal de frais de psychologue plus tard. Et c'est ça le pantaille aussi. Invente ta tradition et ton rituel. Et pantaille, à fond. Toute ta vie, pantaille. Avec les uns, les autres, tout seul. Avec les uns, les autres, pantaille, pantaille. Pantaille, pantaille, forever. Alexis, Alexis, ton duster, ton duster. Alexis, Alexis, ton duster, il est... Arrêt lourd de la projection. Pèse de la révolution, pas des précipitations. Oui, alors le vœu pour moi ce soir, cette nuit et ce jour, c'est que la vie continue et qu'elle continue même s'il faut se battre. Allons-y, allons-y, allons-y, battons-nous, la Sante coulera et moi je resterai sur l'eau, mais je coulerai aussi pour savoir à quel point le sentier est beau. Vive le Cogordon ! Et viva ! Je crois que ça ne marche pas. C'est une veste pas décapée. Et à ta bien ça, et va y t'en le. Alors, hier c'était hier, et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui c'est presque déjà demain. Parce que, elle est minuit passé, et donc demain c'est la Santa Santa et Santa Capelina, viva l'occhio et canta la monina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué estás haciendo con esta caja de metal y con letras rojas y negras, pero bueno, pues. Espero que se pase bien. Mañana es el primero de mayo y el 2 de mayo es mi cumpleaños. Entonces espero pasar un buen día y una buena noche. Ça enregistre quand tu appuies et puis après ça fait du bruit. Bouton rouge là. C'est quoi les boutons rouges? Viens l'occhio et canta la monina. Oh, Santa, Santa. Santa Capelina. Vive l'occhio. Ne canta la monina. Santa, Santa Capelina. Vive l'occhio. Ne canta la monina. ensemble. Pantai. Pantai. Internet, c'est de la merde. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais si je devais en ajouter une cruciale et déterminante, je dirais que la vie serait vachement moins supportable s'il n'y avait pas le pantail. Ah, je croyais que c'était... Et toi, Rogers, qu'est-ce que tu aurais à dire? J'ai donné... J'aimerais que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit content et qu'on vive en harmonie. Et alors, Rogers, cette vie conjugale, comment ça se passe? Moi j'ai envie de te poser une autre question. Comment fais-tu pour être toujours aussi aérienne? Après 10 ans de vie conjugale avec Richard. Oui, mais je t'ai connu avant, et comment fais-tu pour être aussi aérienne? Non, mais c'est pas la question. Mais pour y répondre, ça fait un mois que je bois des tisanes dépuratives. Oh, joli beau geste pour la planète. Ah ben oui, et pour moi aussi. L'alcool est deux fois plus fort depuis. Je sais pas quoi, en fait. Faut être vif. Coucou. Alors qu'est-ce qu'on le pantail? On sait pas trop d'où ça vient, on sait pas trop où ça part. En fait, le pantail, c'est le rêve éveillé, tu vois. C'est comme ce qui pourrait se passer dans un rêve, mais tu décides que ça te passe dans ta vie. Donc tu fais ton choix et voilà. Donc dans le cas de la Santa Capelline par exemple, tu fais le choix de ton chapeau, tu fais le choix d'arriver à telle heure ou telle heure, le choix de participer, pas participer. Et en fait tu te retrouves dans une situation qui est pantaille parce que c'est l'énergie collective qui t'emmène à... Bon, je dis n'importe quoi, c'est bon, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, en tout cas c'est enregistré et ça c'est pantaille. Allô. Coco, t'assure. Pantai. Et un grand, grand merci à toute l'équipe. Et moi, j'avais la frontale à Dimitri à sa horche quand il fallait rentrer à 4 heures du, hein. Viva! Pas viva, mais viva! La pizza de 4h du matin. C'est chaud dehors, mais pas dedans. À Nice, elle est bonne la pizza. Hein. Faut que tu la goûtes. Hein. Oh! Oui, oui, oui. 4 jours de pantail. Une chronique posthume de ce moment. Posthume de cette critique une fois qu'on a découvert que cette machine elle marche pour de vrai. Jusque là on a imaginé d'avoir affaire avec un jouet taille machine, taille grande, taille pour enfant, pas de taille petite. Ensuite on y a joué comme un machin un peu métallique avec écrit l'enregistreur au-dessus, suite à quoi on a pris des décisions de réécouter la bande magnétique si gentiment manipulée par tel manipulateur de Henry qui nous a, avec le bouton de REC, STOP, PLAY, FORWARD, REWIND, fait des magnifiques effets sonores qui nous ont permis de réécouter le matériel enregistré. Suite à quoi prise décision que cette machine réellement enregistre du son. Donc le ceci dit discours par exemple, ça a été pris mesure de réciter ce texte pour affirmer une présence posthume, ceci dit, critique posthume, analyse posthume de ce matériel d'enregistrement sonore.